L'actualité à Nancy et ailleurs. Troisième édition d'un salon autour du jeu de société. C'est à Gondreville du 28 au 29 mai. C'est donc Gondreville et Ludique. Michael Silvetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Gondre Livre. C'est la troisième édition de ce rendez-vous Gondreville et Ludique. Qu'est-ce que vous nous préparez cette année ? Cette année, écoutez, on va rester fidèle à notre leitmotiv, c'est-à-dire déjà beaucoup de bonne humeur autour de ce festival. Et donc, on vous propose de venir donc le samedi 28 mai de 14h à 18h30 et dimanche 29 mai de 10h à 18h. Tout est gratuit, vous arrivez, vous avez simplement à vous installer à une table et il y a des personnes qui viendront vous expliquer des jeux. La naissance de ce rendez-vous Gondreville et Ludique, l'idée de départ de ce rendez-vous ? En fait, ça fait près de 16 ans que Gondreville est ludique. Donc ça fait 16 ans que j'œuvre avec d'autres personnes pour mettre des journées jeux à Gondreville ou même dans la communauté de communes. Et il y a 5 ans, puisqu'il y a eu 2 années de Covid, il y a 5 ans, on a été de fil en aiguille jusqu'à l'organisation d'un festival. La différence, c'est que les journées jeux qu'on organise sont dans une salle communale où on peut accueillir 80 personnes et que là, le festival se fait au gymnase de Gondreville, à la salle des sports de Gondreville, et qu'on peut accueillir beaucoup plus de personnes puisqu'on s'est mis un objectif à 1500 personnes sur le week-end. Eh bien, qu'on vous souhaite d'atteindre, bien sûr. Alors, quand on parle de jeux de société, c'est très vaste les jeux de société. Hein. Comme vous le dites sur l'affiche, de 1 à 99 ans, on peut forcément trouver son bonheur sur place lors de ces deux journées. Il y en a pour tous les goûts, donc des jeux d'apéro ou des party games, hein, on appelle des jeux qu'on apprend en 30 secondes et où le but, c'est surtout de rire, etc. Jusqu'aux jeux beaucoup plus compliqués où on va pouvoir passer une bonne heure dessus et puis à faire des calculs, etc. Avec une spécificité de notre festival, donc on aura des zones dédiées par âge et notamment une zone de 0 à 3 ans. On doit être un des rares festivals à proposer ça, qui sera animé par le RAMP de Toul, relais assistante maternelle parents-enfants. Et donc avec des jeux, mais aussi des jeux de société pour cet âge-là, mais aussi des jeux de motricité avec un petit parcours et puis des jeux d'imitation avec des poupées, des voitures, etc. Vous avez une petite idée du nombre de jeux de société qu'on va pouvoir découvrir ou qui seront mis à disposition lors de ces deux journées ? Sur le nombre, en fait, on va fonctionner avec des tables fixes où là, ce sont des jeux qui seront tout le week-end sur cette table-là. Donc, on a environ 60-70 tables fixes avec des jeux qui nous ont été prêtés ou donnés par des éditeurs, en fait. Et puis, à côté de ça, on aura des tables plus libres avec... alors, ma ludothèque contient 525 jeux. On a aussi la Caverne du Gobelin qui prêtera des jeux. Donc, voilà, je pense qu'on sera autour des 500 jeux disponibles environ, parce qu'on va pas tout emmener non plus. Donc, avec des jeux avec des accès rapides où les règles sont très simples, en 30 secondes, on peut tout de suite se retrouver et rigoler autour d'une table avec des gens qu'on connaît pas forcément d'ailleurs aussi. Voilà, c'est aussi un des objectifs, hein, c'est de créer du lien. Donc, il faut pas avoir peur de venir seul parce que on saura vous trouver des personnes avec qui aller. Et il y a des belles rencontres qui se font à l'occasion des festivals ou des journées jeux qu'on fait, hein, des gens qui se rencontrent, qui échangent autour d'un jeu, qui rigolent ensemble, et puis ça se poursuit après, pourquoi pas. D'un point de vue plus personnel, vous, votre jeu du moment, lequel vous avez plaisir à remettre sur la table et inviter des amis ? Alors, mon jeu du moment, en ce moment, j'ai pas trop le temps de jouer, puisque je suis plutôt dans l'organisation. Voilà, le jeu auquel j'ai le plus joué ces derniers temps, c'est Les Ruines Perdues de Narak. Il y a un jeu où on va explorer... une jungle. On est un peu dans l'univers d'Indiana Jones, et donc c'est un jeu un peu plus compliqué. Hein. Les parties sont de 3/4 d'heure à 1 heure, et c'est édité par Yellow, qui est un éditeur local, puisqu'ils sont basés à Ludre. Et puis celui-là sera mis à l'honneur parce qu'il y a une extension qui vient juste de sortir la semaine dernière, donc c'est un des jeux qui sera fixe sur table. Lors de ces deux journées aussi, vous prévoyez des tournois de jeux de société ? Alors, on a plusieurs tournois, on a 9 tournois en tout qui sont proposés. Là, l'idée, c'est, on revient à ce qu'on a dit précédemment, ça ne porte que le nom de tournoi, mais l'objectif principal, c'est que des gens se rencontrent pour jouer à un jeu et échangent. Alors, pour le gagnant, il y a le jeu à gagner ou des bonus du jeu à gagner. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de s'amuser autour d'une table avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Contreville est ludique, c'est le samedi 28 mai de 14h à 18h30 et le dimanche 29 mai de 10h à 18h. Où est-ce que ça se passe? Je vous laisse redonner l'adresse. Alors, c'est à la salle des sports de Contreville, donc c'est au 23 rue du Guet, 54 840 Contreville. C'est accessible en bus par la ligne 410 pour prendre l'arrêt Contreville Centre. Et sinon, il y a un parking qui jouxte la salle des sports avec une vue sur la Moselle imprenable à cet endroit-là. Et voilà un argument de plus. Donc, pour venir à votre rencontre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette troisième édition? Eh bien, écoutez, que notre objectif quantitatif soit respecté, mais surtout qu'au niveau qualitatif, tout le monde prenne du plaisir, que ce soit les festivaliers et les bénévoles. Merci beaucoup, Michael Silvetti. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.